Oh, quand même, tu exagères. Encore. Mais tu es insatiable. Bon, alors, faut me l'arrêter. Je t'entends, à peu près, normalement, mais... Tu m'as pas entendu, là. Qu'est-ce que tu disais, alors? Et je veux que ça dure. Pourvu que ça dure. Dis la fesse. Non, mais. Pourvu que ça dure. Voilà. Attends, là tu m'entends, donc il y a un problème, tu entends des conneries. Et alors moi je m'entends énormément, je ne comprends pas pourquoi tu m'entends énormément. Là c'est. Allô, allô, allô, voilà. Non, c'est là. Non. C'est le mec qui se casse, tu sais. De réaliser. Ouais, moi je t'entends à peine. À peine. Oh mais mets-moi fond. Mais les volumes. Parler à côté du dans le micro. Mais non mais là c'est terrible là, je m'entends énormément. Là. Moi, je... Ah, faut que j'enlève la compression. Alors je l'ai enlevé, Bon, de toute façon c'est en plus le micro pour le djembé. Alors donc ah oui, je pense savoir. Ah oui, je sais c'est pourquoi. C'est pas possible, je t'entends comme si. Oui, et là, maintenant, si je te mets au milieu à 0 décimètre, là. Est-ce que tu m'entends mieux, là? C'est mieux pour toi, là? Non? Non, c'est pas mieux. Bon, donc, ça se fera pas aujourd'hui. Alors, voilà, là, comme ça. Là, ça va mieux, là, quand même. Non. Oh, bah si, puisque tu me réponds. C'est pire. C'est pas vrai. En plus, j'entends mes petits nom. Il faut que je boive. Pas possible. Ah, mais oui, ça y est, c'est bon. Ah, ben voilà, d'accord. Oh, tu me fais faire des choses. C'est moi. C'est moi, j'avais enlevé le curseur là-haut. Je sens autant pour moi. T'as fini de râler? Je râle pas. Je ne râle pas. Bon, alors moi, je vais me baisser maintenant. Donc, finalement. Bah oui. Je me retire. Bon, on fera comment pour effacer l'enregistrement? Bon, bref. Comment ça, tu te retires? Non. On entend. T'en peux pas. Ah, purée. De toute façon, elles disent tout ça. Putain, demain, c'est mort. Attends, je suis mort de rire. Ah bon? Vient de l'histoire. Tom. Bon. Tu vas où? Allez. Je coupe le son. Ah oui, couper le son, c'est génial comme chanson. J'entends plus rien là, j'ai pas les écouteurs là. Mais c'est, j'aimerais bien, ça serait bien de la jouer. Bon, bref. Bref. Coupe le son. Oui, coupe le son.